ثانيا رقم غرفتك 22 donc le numéro de ta chambre 22 رقم غرفتك 23 bah, vous connaissez tous les noms hein, pas besoin de vous les connaissez tous ça, quoi. Oui. Ouais, on les connaît là, comme ça, mais je les connais pas comme ça. Rabian, là, il n'y a pas de monde nouveau, là, c'est tout ça. Rakm Ghurfatik 24. Rakm Ghurfatik 25. Rakm Ghurfatik 26. Rakm Ghurfatik 27. Rakm Ghurfatik 28. Rakm Ghurfatik 29. Rakm Ghurfatik 30. Là, c'est 30. Et après, c'est tous pareil. Là, on a pris Ishroun, 21, 22, 23, 24, jusqu'à 29. Et tous, Salafoun, Arbaoun, Khamsoun, Sittoun, Sabaoun, Samanoun, Tissoun, ils disent tous pareil. Quand tu veux dire 91, tu veux dire Wahidoun, Wahidoun. Quand tu veux dire 41, Wahidoun, Warbaoun. Si tu veux dire à 55, tu veux dire Khamsatoun, Wahamsoun. Donc après, on ne va pas répéter les. Vous voyez ? Non. رقم غرفتك 40 رقم غرفتك 50 رقم غرفتك 60 رقم غرفتك 70 رقم غرفتك 80 رقم غرفتك 90 et tous tu mets de 1 à 9 après ça fait comme on a auparavant avec 21 22 23 24 ainsi de suite la même chose. طيب كيف كيف تقول 66 سبعة وسبعون tu dis ce bâton. Ouais, c'est bâton. Il faut s'habituer, il faut répéter. Attends. Là, après, ça change en fonction de ce que nous donnons. On dit ce bâton. Ouais, après. Mais c'est parce que le Rufa, c'est féminin, c'est bien ça. Comprenez-moi. Alors qu'il est masculin, donc ça devient féminin, c'est ça. En fait, pour dire, par exemple, Sabahatoun, ça dépend du. Ça dépend de. Ce qu'on dit. Ouais. Non. Est-ce que ça peut être Sabahou ou Echon? Non. Falifan, Istami ou Rabdid. يسكن سليم في الطابق الحادي عشر. Donc maintenant il va vous apprendre à quoi de 11 à 19. Mais quand il veut pas dire par exemple 11, il veut dire 11e, 12e, 13e. Quand ils sont en fait les qualificatifs. Donc là il dit au masculin tabarin. Là ils sont masculins. يسكن سليم في الطابق الحادي عشر. Le hadia c'est pour dire 1 en fait, ça revient à 1. Et il prend une fatha. El hadia ashara. El hadia ashara. Donc tu la vois la fatha. Et c'est tout le temps une fatha. Même si tu mets half jar devant, ou tu mets un verbe faul bihi, ou tu mets qu'il est muntada, il aura toujours une fatha. Le même ni. Le même ni. ثانيا يسكن سليم في الطابق الثاني عشر. Donc سليم habite au deuxième étage. Deuxième étage. ثالثا يسكن سليم في الطابق الثالث عشر. Donc là c'est troisième étage. يسكن سليم في الطابق الرابع عشر. 14 étage. يسكن سليم في الطابق الخامس عشر. 15 étage. يسكن سليم في الطابق السادس عشر. 16 étage. يسكن سليم في الطابق السابع عشر. 17 étage. يسكن سليم في الطابق الثامن عشر. 18 étage. يسكن سليم في الطابق التاسع عشر. 19 étage. Et là, c'est comme les diases qu'on prend. La diase, c'est à 10. طيب 16 ربع 10 سلا يفوز. طيب رابعا أجيب كما في النموذج. يقول كم يوما ستقيم في الفندق؟ طيب جا داود الشكل رابوس إن شاء الله. يوما لا لماذا ينفتح؟ لماذا هو منصوب؟ أساسا Quand tu te mets entre parenthèses Arba, donc il veut que tu écrives Arba comme il convient avec la réponse. Il dit ça uqimu Arba ayamin. Mathalan, jumal oula yaqul kam darsan sataktub. En dessous, il met khamsa. Quand tu écris la réponse en lettres avec khamsa. تمام؟ هذا في البيت. خامسا أجيب كما في النموذج. في الأسئلة نفس الشيء. بس كلها من أصل فيمينا. في اللي دابا سي دي نمبر ماسكولين معدود مذكر. الأسئلة معدود مؤنث. كم نافذة في الحجرة في الحجرة؟ قوم دو فريغ دون لا شوم. يقول أربعة. كايبوسي في الحجرة أربع نوافذ. أربع نوافذ. أربع بس نوافذ إلى مؤنث. نافذة في مؤنث. دونك يدي أربع يدي أربعة. هم؟ بس كي دي فوا لا نوافذ. On sait pas si. Mais tu le connais. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être la question que j'avais, c'est est-ce que, par exemple, si dans le pluriel, il n'y a pas la marque du féminin. Ah ouais. C'est quoi, ça reste quand même féminin, c'est pas. Ah, féminin, c'est féminin. Pluriel ou singulier, féminin, c'est féminin. Non, pour pas que ça fasse taille comme les mots, comme Shems par exemple. Shems, c'est un mot féminin, ça. Ah ouais. Mais il n'y a pas la marque du féminin pour ce mot-là. Ah, il n'y a pas, mais tu sais qu'il est féminin. Mais en fait, pour le premier exercice, quel petit avant, non. Ça t'apprend. Nous, dans la réponse, on va mettre Koutou. Non. Et Koutou, bon, il n'y a pas de. C'est vrai ou à la prise. Non, c'est quand tu fais les. C'est ce qui apporte aux siffles, trucs comme ça. Mais c'est le nom, ça, c'est un nom masculin. Il prend les règles de Mouanas Moufran, c'est un nom masculin à la base. Donc le nom, il se base sur le nom flab, en fait. Sur l'origine du mot. Est-ce qu'il est Moudaka ou Mouanas ou... C'est l'origine du mot. Non. Parce que tous les mots, là, dès que tu les mots pluriels, ils disent que c'est des mots. Il n'y a rien à rappeler, non. Il n'y a rien à rappeler, là. سادسا انا اريد غرفه لشخص واحد. دونك ابري فو شانجي لا فراز افيك لو دومير كي ميت اونتر بارونتيز. الان يقولون هو تقول هو يريد غرفه لشخص واحد. طيب الجمله الاولى مع انت. انا اريد غرفه لشخص واحد. نعم. ثانيا انتم. أنتم يريدون؟ لا. أنتم تريدون؟ نعم. أنتم تريدون غرفة لشخص لشخص واحد. نعم. هي. Mm-hmm.